sur ma vie, mon cœur s'assombrit. Tout est devenu gris avec toute cette pluie. Le ciel est en colère, le tonnerre s'amplifie. J'ai pourtant tant besoin de voir une éclaircie. Étrange clarté du ciel déchaîné projette mon reflet bleuté sur ces grands carreaux mouillés. Il pleut sur ma vie, la tristesse m'envahit. Toujours pas d'accalmie, je suis noyé dans l'ennui. La tempête se déchaîne, la pluie s'intensifie. J'ai pourtant tant besoin de soleil aujourd'hui. Ces éclairs rapprochés de lumière saccadée illuminent mes pensées hors de ma volonté. Il pleut sur ma vie, ça sent la nostalgie. Même le son des vagues s'est soudain évanoui. C'est le vent en sifflant qui a remplacé ses bruits. J'ai pourtant tant besoin de douceur aujourd'hui. La lettre chantée par toutes ces idées, je viens de décider de sortir sans tarder. Du soleil sur ma vie, il a remplacé la pluie. Le bruit de la mer a de nouveau ressurgi. J'ai les idées claires, il n'y aura plus de sursis. Je m'embarque désormais pour un autre pays. Je pars libéré des contraintes fabriquées. Tu m'as emmené là où je voulais aller.